Plus. Beasts over Kings. Elle a trouvé la gâchée, mon terre au milieu du linge. Hey, j'm'en boucan, j'suis toujours sous l'effet d'après-midi. J'ai beaucoup de choses en tête, ma chérie adorée. Le mal que je cause, faut tout zapper des oreilles. J'suis pas ton gars, Joe. J'sors d'une blessure comme Badjo. Doucement, faut pas s'affoler. Enquête en cours, fais pas Joe. Dans la zone, je la quitte, j'ai trop sonné. Le 7-5 et le 13, c'est la zone. Dans la poche, tous les blés que j'ai semés. Ma chérie, devant toi, t'as le garmin. Follow me, let's go. J'suis en légamos, baby, let's go. Devant son corps, j'ai fermé mon. Et j'ai perdu ma langue dans la pompe. Pull up, on est beaucoup feu sur la capitale. C'est le S, c'est Marseille, c'est Ripan. Dans la cahier comme des Ritales. Tout est bon, tout est véritable. Debout, on fait la reggae. Ça peut, on va pas rentrer. Ça part en couille, et personne pour séparer. Chiqui, chiquita, j'ai ma chiqui, chiquita. J'ai la plus belle, j'm'inquiète pas. Que faire sans toi, je sais pas. Que les best, les taux, qui peut stopper. Qui j't'en sur moi, j'vais m'écouter. On arrive dans la boîte, tu vois que des pyramides. On t'a dit mets la gomme, t'as répondu je fais ma vie. Maintenant c'est qui tape, ma nègre c'est qui frappe. Tous les rageux qui nous parlent, ma balèque de leur avis. Les canets je n'ai plus le choix. Donc je continue, je vais tout droit. Viens toucher la frappe qui te fout droit. Ça sent la ganja dans le couloir. RS4 c'est fini stun, toi ça en va salir mes chaussettes fringues. Fini la polia jusqu'à je suis drunk. Pépé a rallumé son blunt. Des kilos, des tonnes et des kishta qui tombent juste au son de la guitare. Baby, le bif m'appelle, baby, maybe après je t'appelle, maybe. Sachez vers dans mon jean, vers cette chaise, ça m'appliche. À Paris, je suis le prince de la ville. Aquarium gelato dans la jeep. Le plus de mago est rempli de gélatine. Pas de soutien, donc cherche sa poitrine. C'était ton point comme mère Patricie. MBBB sur le parking, la dictature. Fais la rue de la fine, je suis dans l'auto. Sur la moto, les keufs sont en haut. Ils prennent des photos. Joker, y'a la drogue, de l'alcool et des grosses lèvres. C'est ça love you les gangsters. De Marseille à Paname ça vient d'être. Mais je vois c'est le blackjack. Je suis chaud, reste tranquille. Je suis dans la fast life. La guerre en prime time, chargeur extensible. On a retenu son snap, on a retenu sa carte. Ça paraît trop facile. Rapta en by night, une galerie de la manchaf. Très bien les âmes sensibles. Wiggy, wiggy. Elle dit que ce soir elle veut wiggy. Pété, pété. Sous ma dit de boubou en féfé. Prada violet, Rolex volé. Pour tout chuffré comme un gratteur du CV. Palette en main dans la fusée. Par la tamine, j'faudra pas bébé, nous accuser. Bébé, j'arrive au Navantador. Ouverture en papillon. Je qu'on fasse un tour juste avant que tu dors. Ce soir t'es ma cendrillon. Dis-moi ce que tu veux, j'achète. Gucci, Chanel. Et depuis je ne suis plus salarié. C'est moi qui distribue les payes. Wesh, le J c'est comment dans le train. J'arrive avec l'équipe du PSG. Je suis pas Messi, mais j'ai la baraque à 200 000 et je suis millionnaire. J'ai coupé, j'ai viscère détaillé dans le bloc. Mais depuis c'est trop bon la vie d'artiste. Tous les matins je me fais l'ancien par une tempête. C'est jamais la même, sa mère. Des départ, des fois c'est pas facile. Mais c'est rien, c'est la vie. On se tape des bars, y'a la Skoda de l'État. Ils font les macas, ils baissent la vite. Pas équipe dans le classe. On se met en place. Manque belle ragazza. Une balle, ça vaut pas un hasard. Parfum quartier, je m'habille quartier. Elle avait trop faim, mais j'ai dû partir. Parfum quartier, je m'habille quartier. Elle avait trop faim, mais j'ai dû partir. Tu en buvette, mon Sancho, laisse-moi piloter. Tu veux que je t'aide, mais toi tu m'aides pas, tu es culotté. Je me mélange pas, je reste tout seul comme Salvatore Conte. Ma vie c'est un film, j'ai plein de choses à raconter. Donne-nous juste notre monnier. On a gros charbonnier. Donne-nous juste notre monnier. On a gros charbonnier. Un million de soucis, une grosse quicheta sous le coussin. Entre nous pas de jalousie. On est tous frères ou cousins. Ouais j'ai trop zoné, j'ai trop donné. Trop déconné, trop nia. Sans je suis solide, je suis dans le bolide. Sur la côte vers Marbella. Dans le quartier je tournais comme un fou. Ouais je pilote comme un fou. La cité m'a incité. Maman si t'as faut plein de sous. T'expliques que c'est c'est compliqué. Les petits dans le bloc se pètent trop pico. Dans les affaires tous s'impliquer. Les condés se pètent à cause ton bigo. Tu fais du Muay Thai, on s'en bat les. Rafales de guitare, je fais danser le champagne, ça fait tchin, tchin, tchin dans la ventade. Les bijoux font cling, cling, cling, je suis devant ta porte. On prendra la moto, amour comme on dit. On s'allume dans le trafic, bébé a peur à cause de la vitesse. À toute la nuit sur le sofa, de toi tu faire des enfants, Wailaï. Toute la nuit sur le sofa, de toi tu faire des enfants, Wailaï. À toute la nuit sur le sofa, de toi tu faire des enfants, Wailaï. Toute la nuit sur le sofa, de toi tu faire des enfants, Wailaï. Elle veut quitter la zone avec un homme qui fait la gif. Cette go est chargée, elle pense qu'à faire du bif. Pour la piloter, faut piloter Maserati. Ah, t'inquiète pas, je ferai la gif. Je vais pas finir solo, solo, solo, solo. Solo, solo, solo, solo. Je vais quitter le bendo, bendo, bendo, bendo. Bendo, bendo, bendo, bendo. Ouais, j'ai le permis bateau. Bouteille de scotch, champagne et gâteau. Je l'ai dévoré comme un gâteau. Ça a dérapé dans le bateau. Ouais, j'ai le permis bateau. Bouteille de scotch, champagne et gâteau.